sang. Transperçant l'écume, fracassant les vagues, à la recherche des dieux de guerre. Nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola. La mort est douce et vénérable, la mort est...